Je voudrais faire une chanson commerciale. On m'avait bien dit à l'académie, fais dans la simplicité. On m'avait bien dit, Eric mon ami, fais dans la complicité. Ne fais pas trop compliqué, pas trop torturé, laisse donc les accords tourner. Une mélodie pas trop variée, prends l'air inspiré, et ils vont tous adorer. Je voudrais faire une chanson commerciale, trouver le truc vraiment génial qui reste dans la tête et qui jamais ne s'arrête. Oui, je l'avoue sans phare, j'ai pour ambition de faire un tas de pognon. Ah, il est comme une star, une vie de fêtard et des filles à profusion. Ah là là, quel joli métier, la joie détournée, mon rêve serait. Dans le moule, oublier ses convictions. Tonton producteur, tata protecteur, il faut des bonnes relations. Et 3 ans plus tard, finir au placard devant les supermarchés, avec pour sale répertoire rançon de la gloire, le succès tant détesté. Chanson commerciale, trouver le truc vraiment génial qui reste dans la tête et qui jamais ne s'arrête. Mais même si ce tube est une merveille.